Violation à domicile, violation de toi. Étage par étage, des blessures sans faire, et tu ne vois pas. Tu deviens la proie qu'un jour on assassine. Comment faire pour sortir de l'enfer? On s'habitue à tout. On s'habitue à tout. On s'habitue à tout. Inconscient. Pour ton bien conscient, dans cette inconscience, comment se défaire de ces chaînes invisibles et malsaines? Et comment pardonner à cet impardonnable? Quand le temps a passé, souvenir se fane. qu'un enfant et pourtant t'as plus de 60 ans, t'as pas pu grandir, t'es mal appris comme mal assis, t'es trop resté là, l'influence de ta mère. T'as trop écouté ta mère, t'es jamais sorti de ton nid. T'as jamais servi. T'as jamais pu te servir de tes ailes. Absorbeur de conscience sur cet écran. Thank you. Thank you.